Bonjour, bonsoir, bon dodo. Vous êtes avec moi, François Faustin, et vous écoutez ce podcast qui s'appelle Gracou. Ouais, moi aussi je commence à me manquer d'idées. Et ce podcast que j'ai créé, juste parce que j'arrête pas de parler tout seul et que j'avais besoin d'une raison. Dans ce épisode numéro 2, je vais parler avec vous de stupidité, de conneries, et je risque de sacrer et d'être politiquement raciste. C'est pour ça que vous écoutez. Bon, first thing first, si je me rappelle bien, le 10 mai 2010, hier, de la publication du podcast, si vous l'écoutez 50 ans plus tard en fouillant l'internet, c'était le début d'une course à travers les États-Unis de deux voitures commanditées par les 7-Eleven. Ils vont se promener, un va longer l'Est des Amériques, l'autre va traverser le centre. Et ils vont se rejoindre au Daytona, la compétition de NASCAR. Et ça va être le 30 mai, si je me rappelle bien. Parce que la course dure 3 semaines. Et je trouve ça cool. Je trouve ça l'idée de mettre un gars et une fille dans l'auto, les faire conduire, mettre leur vie en danger, augmenter leur taux de cholestérol avec les chips puis les Slurpee Iron Man. J'aimerais qu'il y ait aussi des 7-Eleven juste parce que je pourrais avoir des Slurpee Iron Man. Vous avez jamais pensé boire dans un verre qui est sculpté en forme de Iron Man ou de War Machine? L'arrivée. Puis là, tout le foutu Slurpee vous coule dessus. Ah, c'est pour ça qu'on n'a pas ça au Canada. Ou au Québec. Est-ce qu'il y a des 7-Eleven dans le reste du Canada? Oh. Internet! Sinon, j'ai. Après ça, c'était ma fête cette semaine. Et je me suis acheté un paquet de cadeaux. Une fois, j'avais une raison de magasiner puis dépenser mon argent. Je me suis acheté le jeu Alone in the Dark 4. Et à date, le jeu est foutument crappy. Mais je vais continuer à jouer. Ça risque de me faire peur. Puis j'ai mes trucs obscurs et comme ça, j'adore les trucs à la Hellboy et tout ça. Alors continuer. Et récemment, il y a quelques semaines, j'ai commencé Resident Evil 5, soit quoi, deux jeux de zombies et de d'horreur dans le même mois. J'ai pas encore fait de cauchemar. Et fuck, j'étais là, je jouais à Resident Evil, j'étais comme, wow, au lieu d'être des Américains. Ou plutôt une vision des Japonais, des Américains. Je tue des Africains. Je fouille des balles aux ancêtres, à mes ancêtres, à mes cousins, à mes cousines qui seraient sûrement encore en vie là-bas. Ça mérite genre un petit 2 secondes, 3 secondes de silence, man. Juste pour eux. Je suis désolé. Mais qu'est-ce qui est bien, c'est pour au moins les 3 000 que je vais tuer. Ils vont me tuer au moins 4 000 fois. Eh, c'est le monde du jeu. Et au moins, ceux qui trouvent le jeu raciste, il y a une Africaine avec toi, qui t'a coquille Pierre, qui tue les Africains. Cool! Come on! Tu peux pas dire que le jeu est foutu raciste. Moi, je suis, comparé au jeu. Et quoi d'autre? Passons au putain de film. Mais avant, ce podcast n'est pas commandité par Fanta au raisin. Fanta au raisin fait avec du vrai fruit. Aucune couleur ou saveur artificielle. Et en passant, la bouteille a une forme bizarre. On dirait le top d'une fraise qu'on a pris sur une bouteille de quelque chose d'autre. Mais il m'a enlevé 5 litres, puis un 0,5 litre, parce que je suis rendu avec un 1,5 litre au lieu de 2 litres. So, igloo! Et en passant, c'est bon avec du whisky. Ah! Diabète! Diabète! Oh, au film. J'ai acheté dans mon au Archambault le plus proche. L'Archambault, c'est là au bout du village, devant le métro Berry. Si tu prends la sortie Sainte-Catherine. Ça s'appelle Twin Blade of the Ninja, distribué par Switchblade Picture. C'est un film japonais. Et c'était un porno. C'était un putain de porno. J'arrive pas à croire que Archambault ait distribué un porno. Au moins, c'est marqué sur la boîte Unrated Limited Edition. Où on peut carrément voir la fille, une des deux ninjas, Risa Koda, se faire passer le doigt. Hey! Regardez-moi, c'est moi le cave. Je savais pas c'était un porno. T'as-tu tourné la boîte? Oui. Tu savais c'était un porno, hein? Oui. Là, tu te plains? Oui. Regardez-moi. Je suis un parent. C'était pas pire, c'était une. Moi, c'est vraiment une bonne histoire où c'était un. Des hôtes, vous savez, les gens qui se donnent dans les thés japonais, des bonnes femmes viennent et leur donnent du gâteau, puis du thé, puis les bonnes femmes se sentent bien. C'est eux, mais ils kidnappent les femmes, puis ils revendent leur womb, leur vajayjay. Et ça, c'était un fucking bon concept. J'aurais pu prendre dans le concept. Mais les deux ninjas, dont Risa Koda, qui est la ninja qui se pense drôle, sont tellement mauvaises fucking actrices. Pardon, fatah. Sont tellement mauvaises actrices et je pense même leur scène de porno était comme fucking mal actée. J'étais comme, what the fuck? J'ai regardé un film avec Frank Saga à la place, c'est meilleur. C'est comme, wow, ouais. Please, no, stop! Ah, I will keep on raping you, because it's Japan. This is okay. Oh, fuck you. Anyway, quoi d'autre? Iron Man 2 qui se sort? Ou plutôt, Iron Tomato 2. J'ai pas vu le premier. Pour tous ceux qui sont des comic fans et qui suivent les comics comme maintenant. Vous voulez savoir que quand le premier était sorti, il y avait eu le Civil War. Et je prenais pas pour le parti de Iron Man. J'étais contre le le truc pour enregistrer tous ceux qui ont des super pouvoirs. J'étais comme fucking contre, j'ai fait fuck you, Captain America, Luke Cage. Et j'ai fait non, je suis contre lui, j'ai pas supporté son film, je vais pas aller le voir. En ce moment, le 2 sort, il y a Siege, il fait pitié, je vais aller le voir. Et là, en même temps, j'ai essayé d'acheter des BD. J'ai aussi l'application sur mon iPhone pour pouvoir télécharger des BD. J'ai lu des BD de Iron Man cette semaine-là. et c'était poche. C'est comme dude, t'es un robot, t'es entouré de femmes, tu bois de l'alcool, tu tues du monde. C'est plate. Pourquoi? Parce que j'ai grandi à ce que du monde, dans des robots géants, tue du monde, ressemble à des femmes, puis braille tout le temps. J'ai grandi à Gundam. Et Iron Man, c'est comme tout le contraire de ce que Gundam m'a appris. Et je suis comme fuck déçu. Il est triste. Mais je vais quand même donner un coup au film. Je vais le voir avec des amis si je m'endors pas et puis je les oublie pas. Mais est-ce que ça a l'air prometteur? Yeah! Fucking War Machine, eh? Fucking go! Shoot! Kill! Je sais, il va même pas avoir personne qui va mourir dans le film. Si je suis chanceux, je vais peut-être voir Deadpool arriver puis montrer sa vieille face LED. Deadpool. En parlant de Deadpool, il y a quoi semaine passée, j'ai lu le trade qui réunissait les comics de Deadpool du 13 au 18. Et dans le numéro 17, Deadpool dit la chose la plus fucked up. Fuck. Ce podcast n'est pas commandité par Fantaraisin. Bon. Let's go pour les citations. Deadpool. En passant à bulle jaune, parce qu'il parle qu'une bulle jaune et un carré blanc. Bulle jaune. What's the big deal? The X-Men kill cops all the time. They even record a song about that. That was Ice-T. It was? Jeez! I get those two confused! Si vous avez compris, l'X-Men n'arrête pas de se plaindre de l'autorité qu'il déteste. Puis Ice-T, c'est la même chose. Les X-Men sont qu'est-ce que Ice-T est pour les Noirs et les mutants. Donc juste pour les mutants. Je me suis trompé dans ma phrase. C'était comme, oh, c'est vrai! Les deux sont des fucking immo qui se plaignent d'autorité. Wow! J'ai trouvé ça très bien placé. Surtout pour un dude qui essaie de rejoindre les X-Men. Bravo Deadpool. Vraiment, ils t'ont pas accepté. Après, t'allais faire chier à Spider-Man. Puis tu t'es fight avec It Motherfucking Monkey. Si vous savez pas c'est qui It Monkey, c'est le macaque le plus fucked up du monde. Vous pouvez télécharger la BD par le Comic Store Online de Marvel, comme Comic Digital. C'est une bonne idée. Vous pouvez l'acheter si vous le trouvez. Ça m'étonne que ça soit dans un trade. Mais Hitmonkey doit avoir sa série bientôt. Here we go, ça c'est cool, man. Fucking Macan qui tire du monde, man. Et ensuite, oh! Aussi cette semaine, comme cadeau de fête que je me suis acheté. Ou plutôt que j'ai trouvé. Le film. Plutôt, le pilote. The Amazing Screw on Head. Non, c'est pas un porno. C'est une bande dessinée créée par Mac Mignola qui a été transformée en pilote. Il voulait en faire une série, ça a foiré. Malheureusement. Et Amazing Screw on Head, c'est. Je viens d'ouvrir le coffret en passant. C'est l'histoire d'une tête qui se visse, qui travaille pour les États-Unis et qui essaie de déjouer les plans obscurs et occultes que l'histoire des États-Unis ne discute pas. Et c'est assez fou. Surtout que le fait que son adversaire, qui est Emperor Zombie, et aussi son premier manservant. C'est. Il y a une vengeance contre tous les autres Man 7. Et c'est assez hilarant, surtout pour Emperor Zombie, qui a le pouvoir de la voix grâce à David Hyde Pierce. Je pense qu'il était dans Frasier, si je me rappelle pas. Puis Screwhead, qui est joué par Paul Giamatti, qui est surprenant, monsieur Giamatti. Ça, c'est le gros singe roux dans Planet of the Exchange, le remake des années 2000. Et, si vous le trouvez, je suis sûr que vous pourrez le trouver sur YouTube, parce que les Video Store, moi, ça m'a pris 1000 ans avant de le trouver. Et pour Internet, l'acheter, vous pouvez le commander. iStore, là, pas encore, le iStore. Mais, mettez la main là-dessus, regardez ça, 22 minutes, wacky as shit. Et ma ligne préférée, c'est qui sort de la bouche de Emperor Zombie. So, any last word before I spark it? Si vous écoutez ce film-là, vous allez voir, vous allez fucking rire, vous allez voir fumer qu'est-ce qu'il fume. Et c'était tout pour aujourd'hui. Je suis assez radoté pour 15 minutes. Il me reste quoi encore 12 heures avant de me coucher, alors je vais radoter tout seul dans mon coin. Juste vous rappeler que ce podcast n'est pas commenté par Fanta. Yuck, c'est chaud. Et vous écoutez Gracou, le deuxième podcast. Et là, je vais me mettre en slip.